بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، donc on va continuer inshallah sans plus attendre sur l'explication d'un nouveau chapitre qu'on a commencé l'étude dans la dernière allocution hier. Et donc l'auteur, l'imam al-Bukhari, dans son livre de l'unicité, a mentionné dans ce chapitre une partie du verset 23, comme on a dit, de la sourate al-Hashr. Et dans ce verset, il y a la mention de noms sublimes d'Allah, Jalla wa Ala, en l'occurrence, As-Salamu al-Mu'min. En l'occurrence, ces deux noms qu'on vient de citer, As-Salamu al-Mu'min. Donc on voit que ici l'auteur, Mohammed ibn Ismail al-Bukhari, dédie ce chapitre pour l'étude de ces deux noms parmi les noms sublimes d'Allah Jalla wa Ala. Et donc hier, on avait commencé à parler concernant la signification du mot As-Salam, du nom As-Salam. Donc on avait dit As-Salamu min Asma'illahi Jalla wa Ala. Donc As-Salam fait bien partie des noms sublimes d'Allah Subhanahu wa ta'ala, comme c'est confirmé dans le Coran et dans la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait mentionné le sens de ce nom As-Salam. Donc on avait mentionné le sens, et donc on avait dit qu'Allah Jalla wa Ala, c'est le garant, c'est le protecteur Subhanahu wa ta'ala. Et donc Allah Jalla wa Ala, le fait qu'il soit As-Salam, puisque on a vu que dans des récits le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que Allahu As-Salam, Allah c'est le salam, as-salam. C'est pour cela qu'on dit Allahumma anta as-salam wa minka as-salam. Allah tu es as-salam et de toi provient as-salam. Et on avait dit as-salam huwa salimun min kulli aib wa naqs wa hayatuhu laysa fiha naqs wa la aib wa ilmuhu laysa fihi naqs wa la aib wa qudratuhu laysa fiha naqs wa la aib wa sam'uhu laysa fihi naqs wa la aib wa basaruhu ليس فيه نقص ولا عيب وهكذا فقلنا أن كل أسماء وصفاته ليس فيها نقص ولا عيب. هذا بما يتعلق بمعنى السلام. فالسلام هو الحفيظ الكفيل. C'est pour cela qu'on a dit que السلام, celui qui est السلام, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui est exempt de toute forme de défaut. Celui qui détient la perfection et donc celui qui n'est pas touché par les imperfections, les manquements et les diminutions. Et donc on avait dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala est aussi celui qui accorde la paix, c'est celui qui est le garant, c'est celui qui protège ses serviteurs, qui garantit le salut et la paix de ses serviteurs. C'est pour ça qu'on avait dit aussi que lorsqu'on passe as-salam, par exemple, lorsqu'on dit Assalamu alaikum, par exemple, on avait dit que c'était une invocation. Et quel est le sens de Assalamu alaikum? On avait fait le rappel et on avait souligné le sens dans le dernier cours. On avait dit que c'est très important de savoir ça, de comprendre l'essence de ce qu'on dit. Le fait de dire Assalamu alaikum, on avait dit c'est Ad-Dua bis-Salam. Ad-Dua bis-Salam. Donc Assalamu alaikum, lorsqu'on passe le salam à quelqu'un, on invoque pour lui As-Salam. As-Salam, c'est qu'il soit à l'abri de toute forme de maux, qu'il soit à l'abri de toute forme de fléau. C'est ça As-Salam, c'est être sain de tout fléau. Donc, assalamu alaykum, c'est dans le sens de dua bis salamati, min kulli afa. Comme le dit lui-même Cheikh Ibn Uthaymeen, dans un autre livre, dans son commentaire de Riyad al-Salihin, vous pouvez voir que Cheikh Ibn Uthaymeen a détaillé aussi cette question. Il a évoqué le sens de assalamu alaykum, du salam. Le sens et la signification précise du salam. Comme vous pouvez retrouver cela, cette explication aussi, où il va expliquer le nom As-Salam aussi, dans Sharh al-Mumti'a, le commentaire et l'explication du livre Zad al-Mustaqni'a. Vous pouvez retrouver que Cheikh Ibn Uthaymeen aussi, rahimahullah, a expliqué donc cela. Et dans son commentaire et l'explication de Riyad al-Salihin, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit que lorsqu'on passe le salam, donc c'est une invocation. Donc on invoque Allah Jalla wa Ala en faveur de celui à qui on passe le salam. Donc, يقول تدعو له بأن الله يسلمه من كل آفة يسلم أن يسلمه من أمراض القلوب مثلا ومن المرض ومن الجنون ومن شر الناس ومن المعاصي مثلا ومن النار فتدعو الله جل وعلا أن يسلمه من كل آفة وهكذا. Donc, الشيخ nous explique que quand on passe le salam, donc, on invoque Allah Jalla wa Ala qui mette à l'abri cette personne, qui le préserve de toute forme, par exemple de mauvaises choses, de toute forme de maladie, par exemple de la démence, de la folie, qui préserve cette personne de la démence, qui préserve cette personne du mal des autres, par exemple, qui préserve cette personne de ce qu'on appelle al-marasi, des actes de désobéissance. Qui an yusallimahu min amrad al-qulub, qui le préserve par exemple des fléaux, des maladies du cœur, qui le préserve du feu, de l'enfer par exemple. Vous avez vu tout ça, lorsqu'on dit que as-salam, passer salam, ça englobe tout ça. C'est une invocation en faveur d'une personne et on demande en sa faveur qu'il soit ici musallam, an Allah jalla wa ala yusallimahu. Donc on demande as-salam. As-salama, donc c'est être à l'abri, ici, de toute forme de fléau. Min kulli afa. C'est pour cela que le sens en réalité, et beaucoup de musulmans l'ignorent, c'est pour ça que c'est important de le comprendre soi-même, et ensuite d'essayer de le faire comprendre, et de l'enseigner à autrui, du fait de comprendre vraiment la signification du salam. Donc, vous avez vu, le fait de se passer salam, le fait de dire assalamu alaikum, ou assalamu alaikum, le fait de passer le salam et le salut à autrui, eh ben ça a des significations, c'est une signification qui est immense. Donc, Cheikh Ibn Uthaymeen et beaucoup les savants et d'autres savants nous enseignent que donc à travers cette salutation, puisque c'est la salutation, comme on avait dit aussi des gens du paradis, donc des musulmans, à travers cette salutation, il y a donc une invocation qui est sous-entendue. Donc, quand vous passez le salam, vous dites « Assalamu alaikum », vous êtes en train d'invoquer Allah, Jalla wa Ala, d'implorer Allah en faveur de celui dont vous êtes en train de saluer. Et ça, donc, vous avez vu, celui qui comprend les sens de ce qu'il dit, donc c'est différent. Il va avoir une différence ici lorsqu'il ne comprend pas les sens. Le fait qu'une personne passe le salam et le salue à une autre personne, il le salue en lui disant « Assalamu alaikum » sans qu'il comprenne. Il ne connaît pas la signification et le sens de cette salutation, il n'est pas comparable à celui qui connaît le sens et qui connaît les significations de ce qu'il dit, qui connaît les implications de ce qu'il dit. C'est pour cela qu'on dit « La yastawi alladhina ya'lamun walladhina la ya'lamun ». C'est pour ça qu'Allah plutôt dit dans un verset « Ne sont pas comparables ceux qui savent et ceux qui ne savent pas ». C'est pour ça l'importance ici de connaître. Et ça fait partie par exemple des priorités pour le musulman. D'apprendre ces choses-là et de comprendre ces choses-là, ça fait partie des priorités. Pourquoi ? Parce que tous les jours, le musulman passe le salut à autrui. Et donc, tous les jours, on se passe le salam et on salue les autres. Et le fait de comprendre vraiment, réellement, la signification de cela, eh ben, ça rajoute du sens à ce qu'on dit. Ça rajoute du sens à ce qu'on dit. Et c'est pour ça que, comme on dit, une parole qui vient du cœur n'est pas comme une parole qui ne vient pas du cœur. C'est pour ça, souvent, il est dit, une parole qui sort du cœur rentre dans les cœurs. Une parole vraiment qui sort du cœur touche les cœurs et rentre dans les cœurs. C'est pour ça que pour qu'une parole sorte du cœur d'une personne, il faut qu'il comprenne les significations de ce qu'il dit. Et ça, c'est très important. C'est pour ça qu'on a insisté sur ce point. Donc, vous avez vu, on répète une dernière fois. Donc, passer salam, dire assalamu alaikum, c'est une sorte d'invocation d'Ora bisalam. Min kulli afa, tad'u lahu bi anna Allah yusallimahu min kulli afa. أن يسلمه من المرض ومن الجنون ومن شر الناس مثلا وعن المعاصي وعن أو من أمراض القلوب مثلا إلى آخره. Et c'est pour cela que il y a un hadith qui nous résume tout cela et qui va même nous confirmer ce rappel qu'on avait fait hier. Donc hier on avait fait un rappel concernant l'importance d'être unis, que les musulmans soient unis. Et on avait dit que lorsqu'on passe le salam, donc, c'est une parole de paix. Puisque là, lorsqu'on dit assalamu alaikum, on invoque en faveur de la personne à qui on salue. Donc, c'est une parole qui est une parole de paix. Et ça fait partie aussi des sens. Ça fait partie des sens. Que Allah Jalla wa'ala accorde le salut. Le salut de cette personne. Que cette personne, Allah lui accorde la paix et qu'il connaisse la paix. Donc vous avez vu, c'est une parole de paix. Et pour cela, on avait dit donc, on avait fait un rappel hier très important, que les musulmans, c'est pour ça qu'ils doivent être unis. Et les musulmans ne doivent pas se diviser. On avait parlé de l'interdiction de se diviser et de se désunir. On avait même mentionné certains textes à cela. Donc l'importance que les musulmans soient unis. On avait parlé aussi de l'amour réciproque et mutuel que doivent se vouer les musulmans les uns les autres, puisqu'on avait dit qu'Allah Jalla wa Ala a légiféré que les croyants sont frères les uns les autres. Et bien regardez, dans un hadith, le prophète, alayhi salat wa salam, il va nous enseigner quelque chose d'immense et de lourd, d'immense et de lourd, pour ceux qui veulent le paradis. Donc ceux qui désirent le paradis, regardez, dans un hadith, dans un récit, le prophète, sallallahu alayhi wa salam, nous dit, « La tatrulu al-jannata hatta tu'minu. » Vous ne rentrerez point au paradis jusqu'à ce que vous croyez. Et vous ne serez rentré, ou plutôt vous ne serez croire, vous ne serez véritablement croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez. Donc regardez, le prophète, c'est un hadith qui est très lourd de sens, qui renferme des significations profondes. Le prophète nous dit, la tatrulul jannata hatta tu'minu. Vous ne rentrerez point au paradis jusqu'à ce que vous croyez, que vous soyez croyant. Donc regardez, la condition ici pour rentrer au paradis, il y a là la croyance. Donc il faut que la personne soit croyante pour l'entrée au paradis. Et le prophète sallam nous dit aussi, et vous ne serez point croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez. Ainsi le prophète nous dit, nous enseigne qu'on ne sera point croyant jusqu'à ce qu'on s'aime. Donc vous avez vu, c'est un enseignement qui est énorme. Pour ça que celui qui veut rentrer au paradis, le prophète, il nous dit, il nous enseigne qu'il faut être croyant. Et pour être croyant, il faut s'aimer les uns les autres. Ensuite, le prophète, dit, « Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum baynakum afshu salam baynakum. Awala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahababtum afshu salam baynakum. » Et le prophète ensuite dit et conclut ce récit en disant, indique, ou plutôt il dit, ne vais-je pas vous indiquer une chose que si vous la faites, idha fa'altumuhu, que si vous la faites, vous allez vous aimer les uns les autres, répandez le salut entre vous. Regardez, le prophète en somme dit, que il allait indiquer une chose, que si les gens le font, alors ils vont s'aimer les uns les autres. Donc il nous donne une cause ici, une chose que si on la met en pratique, si on la connaît, on la met en pratique, eh ben les gens vont s'aimer les uns les autres. Et il dit, répandez le salam entre vous. Passez-vous en quelque sorte le salam. De là, on remarque bien ici le lien qu'il y a dans les salutations, le fait de se passer salam et l'amour mutuel et l'amour réciproque. L'amour que doivent se vouer les musulmans les uns les autres. Ce lien qu'il y a et le fait que les salutations ici unissent. C'est une cause d'union et d'entente entre les musulmans. Vous avez vu, c'est quelque chose de très important. Donc, dans ce hadith, ce prophète Hassan nous parle pour celui qui veut le paradis. Et le prophète nous dit, La tadkhulul jannah, vous ne rentrerez pas au paradis jusqu'à ce que vous soyez croyant. Et vous ne serez croyant jusqu'à ce que vous vous aimiez. Et ensuite, le prophète Hassan nous indique une chose. En disant, je vais vous indiquer une chose que si vous la faites, vous allez vous aimer. Donc, il nous a donné la solution ici. La solution ici pour qu'on puisse s'aimer mutuellement, pour que les musulmans soient unis, ils s'aiment mutuellement et réciproquement, le fait de passer le salam. Pour cela qu'hier, on avait fait ce rappel ici sur l'importance d'être unis et que les musulmans soient soudés. À l'exemple d'un édifice. Et regardez donc le lien qu'il y a avec les salutations. C'est pour ça le fait de se passer salam, le fait que les musulmans se passent salam les uns les autres, cela est très important et ça aide à concrétiser ce qu'on appelle al-mahabba bayna al-mu'minin wa al-muslimin. Et donc ensuite, on a dit que on allait apprendre ensuite le deuxième nom, puisque l'imam al-Bukhari dans ce chapitre nous a parlé d'un premier nom parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala, As-Salam. Donc là, on a fini l'explication de ce nom sublime et on a conclu cela avec le hadith du prophète, alayhi salatu wa salam. Et donc ce hadith-là qu'on vient de mentionner là juste précédemment, donc apprenez, retenez-le par cœur, inshallah, apprenez-le, c'est un hadith important et c'est un rappel, il faut se le remémorer. Et ça nous mène justement à parachever les bonnes moralités, le bon comportement. Celui qui pratique ce hadith-là, eh ben, ça va le mener et ça va l'amener à justement pratiquer et observer les bonnes moralités et les bons comportements. Ensuite, le deuxième nom qu'a mentionné l'imam al-Bukhari, donc on a dit à travers sa citation et sa mention du verset, donc on a le nom al-Mu'min. Al-Mu'min. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أما المؤمن فهي مشتقة من الإيمان ومن الأمن لأنها من الفعل آمن أو أمن. Donc là maintenant on va expliquer le nom المؤمن. المؤمن. Et vous avez vu l'importance ici de comprendre la signification des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Regardez, juste précédemment, on a expliqué juste le nom. Et lorsqu'on dit juste, en réalité, c'est quelque chose d'immense. C'est quelque chose, c'est une science qui est lourde et énorme. Et à travers l'explication du terme As-Salam, lorsqu'on a expliqué sa signification, on voit que celui qui apprend cela, donc, il a une connaissance en plus. Et cela a un effet sur ensuite sa croyance, sur sa pratique. Vous avez vu par exemple, l'effet que ça a et l'impact que ça a lorsque, par exemple, on passe le salam, par exemple. Par exemple, on a vu que lorsque, par exemple, on sait qu'Allah Jalla il est As-Salam, donc là, on se sent à l'abri lorsqu'on s'en remet à lui, subhanahu wa ta'ala. Puisque c'est celui qui préserve, c'est celui qui garantit la protection et la préservation. Il garantit le salut et le bien pour celui qui s'en remet véritablement à lui. Donc vous avez vu, celui qui comprend vraiment le nom As-Salam et qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Salam. Donc là, il va avoir une sorte de réconfort, il va se sentir en sécurité. Surtout ensuite avec l'étude du terme du nom El-Mu'min. El-Mu'min, ce nom-là, est dérivé du terme El-Iman. C'est un dérivé en arabe du mot et du terme El-Iman. Et aussi d'un deuxième terme qui est El-Amnu. Qui est El-Amnu. Donc El-Mu'min, c'est un nom qui est dérivé du terme El-Iman, qu'on pourrait traduire par la croyance, et du terme El-Amnu. Al-amnu, c'est la sécurité. Li'annaha min al-fi'l. Pourquoi? Parce qu'il vient du verbe amana ou ammana. Parce qu'il vient du verbe en arabe amana ou bien du verbe ammana. Donc de ces deux verbes. Wal-ma'na al-mu'min huwa al-musaddiq li rusuli bima ja'u bih. Huwa al-musaddiq les rusulihi bima ja'u bih. Wa mu'min bima'na mu'ammin. Ay yu'ammin من يستحق الأمان يؤمن من يستحق الأمان وهو المؤمن. المؤمن له الأمن من الله يوم الفزع الأكبر، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وهم مهتدون. إذن المؤمن له معنيان، له معنيان وهما مؤمن بمعنى مصدق لرسله وأتباعه، مصدق لرسله وأتباعهم، ومؤمن بمعنى مؤمن من يستحق الأمان. إذن كما قال الشيخ ابن عثيمين، المؤمن له معنيان وهما مؤمن بمعنى مصدق لرسله وأتباعهم، ومؤمن بمعنى مؤمن من يستحق الأمان. Ensuite, Cheikh va nous expliquer que le nom al-mu'min pour bien le comprendre. Donc on a d'abord expliqué qu'il était dérivé du terme al-iman et de l'amn en arabe. On a mentionné les significations de ces deux termes. Ensuite, donc ça vient des deux verbes. De l'un, c'est amana, on a dit en arabe. Et l'autre, c'est ammana. Du fait que amana, le fait de croire, et ammana, le fait d'accorder la sécurité. C'est pour cela qu'ensuite, Cheikh, il nous dit, al-mu'min, le nom mu'min, et a le sens, a comme signification mu'ammin. Mu'ammin. C'est-à-dire mettre en sécurité celui qui mérite cette sécurité. Mettre en sécurité et à l'abri celui qui mérite cette sécurité. Et donc celui qui met à l'abri et qui met en sécurité celui qui mérite cela, alors c'est al-mu'min. Ça fait partie des significations du nom al-mu'min. Al-mu'min, donc, le croyant pour cela, il va être en sécurité. Il va être dans une sécurité. Allah va le mettre en sécurité le jour de la résurrection contre Al-Faza'il Akbar. Comme Allah Jalla wa Ala dit, Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al-amnu wa hum muhtadun. C'est pour ça que dans un verset ici, Cheikh Ibn Thaymin va faire allusion à un verset où Allah Jalla wa Ala nous dit, ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi d'une quelconque injustice. Une traduction du sens du verset. Qui n'ont pas revêti leur foi d'une quelconque injustice, les exégètes et les commentateurs, ceux qui ont expliqué le verset, en l'occurrence, ça nous a été rapporté directement du prophète, sallam, que le prophète nous a dit, l'injustice ici, c'est le polythéisme. C'est le shirk, le polythéisme. Donc, « Alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin, ulaika lahum al-amn » Donc ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi d'injustice, Allah Jalla wa Ala dit ulaika lahumul amn, à eux la sécurité. Donc ils vont être comblés, ils vont être mis à l'abri. Allah Jalla wa Ala va les mettre à l'abri, il va les mettre en sécurité. Ulaika lahumul amn, pour eux la sécurité, wa hum muhtadun, et Allah Jalla wa Ala les décrit en disant, et ils sont certes bien guidés sur le droit chemin. Et ça, c'est le verset 82 dans Sourate Al-An'am, dans Sourate Les Bestiaux. C'est pour cela que Allah Jalla wa'ala nous enseigne ici que ceux qui ont cru et qui n'ont pas revêti leur foi d'une quelle que soit la forme de polythéisme, alors Allah subhanahu wa ta'ala les mettra à l'abri et ils seront en sécurité. Donc le jour de la rétribution, ce jour où il y aura une peur effroyable, une partie de gens, les croyants, eux, seront mis en sécurité. Allah Jalla wa Ala les mettra à l'abri. Et eux ne seront pas touchés par ce qu'on appelle Al-Faza'il Akbar, par cette frayeur immense. Donc Allah Jalla wa Ala, parmi les sens de son nom sublime Al-Mu'min, c'est celui qui met à l'abri. C'est pour cela que, et qui met en sécurité. C'est pour cela que certains ont traduit le nom, parmi les traductions qui ont été données à ce nom Al-Mu'min, le sécurisant. Le sécurisant, parmi les noms, parmi les termes qui ont été employés par certains traducteurs pour traduire ici ce nom. Et De ce fait, Cheikh Ibn Al-Athaymin, en conclusion, il nous dit donc le nom Al-Mu'min a deux sens. Il faut bien comprendre cela, il faut bien retenir cela, c'est très important. Al-Mu'min, donc le terme, a deux sens. Donc on a dit Al-Mu'min fait partie des noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. As-salamu al-mu'minu. Donc Al-Mu'min a deux sens. Le premier sens, donc, c'est Mu'min bima'na musaddiq li rusulihi wa atba'ihim. Comme on a dit précédemment. Donc le premier sens, comme on l'a expliqué tout à l'heure, c'est le sens de Mu'min, de ce nom, parmi les noms sublimes d'Allah, c'est Musaddiq li rusulihi wa atba'ihim. C'est-à-dire que c'est celui qui croit ses serviteurs, qui sont croyants. Et il est donc celui qui confirme les véridiques. Et donc, il est celui qui admet leur sincérité et les récompense pour cela. Et donc, il est celui qui tient la promesse faite à ses serviteurs. Donc, vous avez vu, le premier sens de Mu'min, donc, c'est celui qui confirme la véracité des véridiques. C'est celui qui croit en ses serviteurs, que ses serviteurs étaient véridiques. Donc, il admet leur sincérité. Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il les récompense pour cela. Donc, Allah jalla wa ala va tenir sa promesse, cette promesse qu'il a faite à ses serviteurs. Et ça, Cheikh Ibn Al-Athaymin nous dit que ça fait partie, les savants hein, nous expliquent que ça fait partie des sens du terme, du nom Al-Mu'min. Al-Mu'min. Et c'est pour cela que Allah subhanahu wa ta'ala, jalla, Jalalu, lui-même, il a confirmé sa propre divinité. Lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala, a confirmé sa propre divinité. Quand Allah, jalla wa ala, dans le verset, dit « Wa ilahukum ilahun wahid » et votre Seigneur et votre adoré est un adoré, un ilah, un Seigneur unique. Et votre adoré est un adoré qui est unique. Donc Allah, jalla wa ala, lui-même confirme sa propre divinité, subhanahu wa ta'ala. Donc le premier sens de Al-Mu'min, ce qu'il faut retenir, c'est que Allah Jalla wa Ala est celui qui témoigne de la véridicité des véridiques, par exemple, et celui qui confirme les véridiques. Il est celui qui croit ses serviteurs croyants, subhanahu wa ta'ala. Donc il est celui qui admet leur sincérité. Il est celui qui les récompensera pour cela. Il est celui qui tient sa promesse faite à ceux-là, à ses serviteurs qui ont été sincères et véridiques. Donc ça, c'est le premier sens de Al-Mu'min. C'est l'explication, on va dire en quelque sorte, du premier sens lorsqu'on dit « Bimarna musaddiq li rusuli wa atba'ihim ». Musaddiq li rusuli wa atba'ihim. Ça, c'est le premier sens du nom Al-Mu'min. Donc retenez bien cela et notez-le bien. Le deuxième sens de Mu'min que nous donne Cheikh Ibn Al-Athaymin ici, pour bien qu'on puisse comprendre ce nom sublime d'Allah Jalla wa Ala, c'est Bimarna Mu'ammin. Bimarna Mu'ammin. Donc Mu'min, Bimarna Mu'ammin. Donc je répète bien, hein. Je répète pour qu'on puisse comprendre et apprendre en même temps et retenir cela. Donc Bimarna Mu'ammin, man yastahiqqul aman. Et donc, le deuxième sens du nom, donc c'est celui qui est du marna mu'ammin, celui qui met en sécurité, celui qui assure ses alliés et les protège contre son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, il est celui qui rassure, assure ses alliés et les protège contre son châtiment. Il est celui qui les met à l'abri. Et seuls eux seront en sécurité. Seuls ses serviteurs croyants seront en sécurité. Donc, dans le sens de Mu'ammin, lorsque Mu'min est dans le sens de Mu'ammin, et ça on a dit c'est le deuxième sens hein, du nom, Al-Mu'min, donc c'est celui ici qui ne va pas les avilir, il ne va pas avilir ses serviteurs. Et il ne va pas mettre leur espoir à l'échec. Pourquoi ? Parce que les serviteurs d'Allah, Jalla wa Ala, les croyants, ont des espoirs. Ils espèrent, comme on a dit. Ils espèrent en la récompense d'Allah. Ils espèrent en la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, les savants nous disent qu'Allah jalla wa ala ne va pas mettre les espoirs de ses croyants, de ses serviteurs à l'échec. Et pour cela, Allah jalla wa ala ne va pas les avilir. Et donc, il va les mettre à l'abri aussi de son châtiment. Donc, al-mu'min, c'est dans le sens aussi qu'il va sécuriser, mettre ses serviteurs en sécurité. Le jour où les gens seront touchés par une frayeur immense, seront touchés par l'insécurité, Allah Jalla wa Ala mettra ses serviteurs en sécurité, à l'abri. Il va les préserver de son châtiment et les mettre en sécurité et à l'abri de son châtiment, subhanahu wa ta'ala. Vous pouvez remarquer, il est fort de constater que j'assiste bien sur les sens. Sur les sens que nous explique ici Cheikh Ibn al-Uthaymeen. J'assiste bien et je souligne bien ces sens-là pour qu'on puisse vraiment comprendre ces noms-là. Et lorsqu'on comprend ces noms-là, donc là, ça nous rajoute de la connaissance envers notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Et donc, celui qui reconnaît, connaît son Seigneur subhanahu wa ta'ala à sa juste valeur subhanahu wa ta'ala, il reconnaît, comme on a dit dans les cours précédents, l'immensité, la grandeur, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le fait d'apprendre le nom al-mu'min. Très important de comprendre l'essence parce que ça fait toute la différence. Celui qui cite des noms, qui appelle son Seigneur et qui invoque son Seigneur par ces noms sublimes, mais qui ne comprend pas la signification de ces noms, il n'est pas comparable à celui qui invoque Allah en comprenant la signification de ces noms. C'est pour ça que vous avez pu constater, remarquer dans le hadith qu'on avait déjà mentionné. Lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous a informé qu'Allah, jalla wa ala, nous a enseigné 99 noms. Donc le prophète, dans un hadith, il dit qu'Allah a 99 noms qui nous ont été révélés et enseignés. Par contre, on avait dit, il y en a d'autres qui sont près d'Allah. Donc seul Allah, jalla wa ala, on a la connaissance, c'est un mystère pour nous. Mais nous, il nous a été révélé 99 noms. Dans un hadith, le prophète sallam donc nous dit, quiconque les retient par cœur rentrera au paradis. Donc ces noms sublimes, le prophète sallam nous dit que celui qui va les mémoriser, les apprendre, les retenir par cœur, il rentre au paradis. Regardez encore une cause ici. Pour ceux qui s'efforcent et qui espèrent cette entrée au paradis, ceux qui ont fait que cette vie soit une vie pour cette préparation et pour tout faire, pour œuvrer, pour atteindre ce paradis, et bien parmi les causes, le fait d'apprendre et de retenir, de mémoriser les noms d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ces noms sublimes. Et bien le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit, celui qui les retient par cœur rentrera au paradis. Et on a un autre énoncé, une autre riwaya, où le prophète dit, quiconque les dénombre. On a un autre énoncé, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit quiconque les dénombre. Et là, les savants, de là, ils nous ont enseigné et expliqué, lorsqu'ils ont commenté cette parole et ce hadith du prophète, alayhi salatu wa sallam, que le fait de mémoriser, de retenir par cœur ou de les dénombrer, ça sous-entend et ça implique et induit la compréhension des significations de ces noms. Donc comprendre la signification de ces noms, les apprendre, les comprendre, les mettre en application. C'est-à-dire que cela se reflète à travers notre croyance. C'est pour ça que lorsqu'on sait qu'Allah est le mu'min, celui qui est le sécurisant, celui qui confirme ici les véridiques, qui admet leur sincérité, celui qui les récompense, qu'Allah Jalla wa Ala est celui qui met à l'abri, qui protège, qui préserve, ici, qui met ses serviteurs en sécurité, eh ben, ça nous rajoute ici, de l'espoir et de la dévotion envers notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam al-Bukhari nous mentionne un hadith. Donc ensuite, l'imam al-Bukhari nous dit, « قال حدثنا أحمد بن يونس, حدثنا زهير, حدثنا مغيرة, حدثنا شقيق ابن سلمة, قال عبد الله, كنا نصلي خلف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نقول السلام على الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله هو السلام ولكن قولوا التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Donc ensuite, l'imam al-Bukhari nous mentionne un hadith. Et ce hadith, on avait fait allusion hier, on avait mentionné le hadith de manière très, très rapide pour expliquer le terme as-salam. Et donc là, on va réétudier ce hadith ici de manière plus profonde. Donc ici, après nous avoir mentionné les deux noms à travers la citation du verset, comme on a dit précédemment que l'imam al-Bukhari ici, l'auteur a cité ce verset en guise d'intitulé du chapitre. Donc on avait dit que c'était le verset 23 de Sourate al-Hashr. Et dans ce verset, donc, il y a la mention de certains noms parmi les noms sublimes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi ces noms, donc, As-Salam ou Al-Mu'min. Et donc l'imam al-Bukhari ici a fait la citation de ces deux noms. Et donc ensuite, maintenant, il nous mentionne le hadith. Donc c'est le hadith de Abdullah qui dit que, alors que nous étions derrière le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous avons dit As-salamu ala Allah, que le salam soit sur Allah. Donc vous avez vu, à présent, je n'ai pas besoin de traduire As-salam, puisqu'on l'a expliqué en profondeur dans le cours précédent, et puis on l'a expliqué aussi au début de ce cours. Donc As-salamu ala Allah, ils ont dit que le salam soit sur Allah. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, faqala an-nabi alayhi wa sallam, inna Allahu as-salam. Allah, c'est as-salam. Mais dites plutôt, at-tahiyyatu lillah, que les salutations soient sur Allah, ou reviennent à Allah, ainsi que les prières, was-salawat, et les choses agréables, at-tayyibat, que le salut te soit adressé au prophète, ainsi que la miséricorde d'Allah et ses bénédictions, que le salut nous soit adressé, ainsi qu'aux serviteurs vertueux d'Allah, car s'il dit cela, le prophète sallam dit dans un autre hadith que celui qui dit cela, et vous avez vu que c'est la formule du tashahhud, le prophète dans un récit dit, celui qui dit cela, ce tashahhud, alors cela atteindra tout serviteur vertueux dans le ciel et la terre. Dans un autre énoncé. Et à la fin du tashahhud, on dit, je témoigne qu'il n'y a nul adoré véritable si ce n'est Allah, et je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager. Donc ça, c'est la formule de At-Tashahhud. Donc lorsque le prophète, on va apprendre ici, lorsque le prophète, sallam, ses compagnons étaient derrière lui, et ils ont dit que le salam soit sur Allah, le prophète, sallam, leur a dit, Allah, c'est lui, as-salam. Donc ne pas passer le salam à Allah en disant, as-salamu ala Allah. Le prophète, sallam, leur a interdit de faire cela. Mais le prophète, ensuite, leur a enseigner ce qu'on appelle At-Tashahhud, et on a dit qu'At-Tashahhud, c'est cette formule qu'on prononce à la deuxième rakarat, à la première assise. À la première assise, cette formule qu'on appelle la formule de At-Tashahhud. Et dans l'explication, Cheikh Ibn Uthaymeen nous dit en explication de ce hadith, vous allez voir qu'il renferme des sens qui sont très lourds et immenses. هذا من حسن تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم أنه لما ذكر الممنوع ذكر المشروع كانوا يقولون السلام على الله وهذه تحية وهذه تحية قال وهذه تحية فيسلمون على الله. Cheikh, il nous dit tout simplement, en commençant l'explication de ce hadith, alors il nous dit ce hadith qu'on a dit qui renferme des enseignements qui sont vraiment très importants et précieux pour le musulman. Regardez, là on voit à travers ce hadith ce qu'on appelle husn ta'lim rasoul sallallahu alayhi wa sallam. Husn ta'lim, c'était vraiment cette bienséance et cette bienfaisance dans sa manière d'enseigner et dans sa manière de faire comprendre les choses. Donc le prophète sallam avait une simplicité et une sagesse qui était vraiment grande. Il avait une grandeur d'âme et il avait une manière d'enseigner aux gens, il avait une manière de faire comprendre l'essence d'une chose d'une manière très simple. Et donc le prophète, sallam, dans sa manière d'enseigner, il touchait les cœurs. Et il savait passer le message, sallallahu alayhi wa sallam. Et donc les gens le comprenaient. Et les gens aimaient écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ils aimaient être en compagnie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parce que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, parmi ses nobles caractères et ses nobles morales, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il était décrit comme une personne très douce, une personne qui était à l'écoute des autres, qui avait un profond souci pour les autres. Donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on le voit à travers la lecture de sa vie, c'est une personne qui était beaucoup à l'écoute des autres. Et c'était une personne, sallallahu alayhi wa sallam, qui avait un profond souci, qui se souciait des autres. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait une manière d'enseigner une sagesse qui était vraiment grande, que les gens aimaient être en sa compagnie et ils aimaient écouter le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et les gens qui ont vécu à l'époque, qui ont tenu compagnie au prophète, sallallahu alayhi wa sallam, eux-mêmes en témoignent de cela. Ils disent qu'ils n'ont jamais vu un homme comme ça. Un homme comme le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et cela, à travers tous les aspects, tous les aspects. C'est pour cela qu'on a beaucoup de récits. Vous avez vu, vous pouvez remarquer que dans la tradition du prophète, il y a énormément de récits qui dénotent cela et illustrent cela. Les nobles moralités du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Pour cela, il était le meilleur des hommes. Imaginez-vous, regardez ce récit. Un jour, lorsqu'un homme est rentré, il a uriné dans la mosquée, dans un coin de la mosquée, les gens ont commencé à le réprouver, à le blâmer durement. À l'époque, les compagnons ont commencé à le blâmer durement du fait que cet homme, un bédouin, est rentré dans la mosquée et avait uriné dans un coin de la mosquée. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avait retenu les compagnons. Et lorsque le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, les a dissuadés, les a arrêtés, ensuite le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'adressa à ce bédouin qui avait uriné dans un coin de la mosquée, en s'adressant avec une sagesse, avec des paroles douces, jusqu'à ce que ce bédouin, le résultat, la conclusion et les conséquences de cela, c'est que le bédouin, eh ben, tellement il a été touché par la bienfaisance et la bonté du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, alors il a commencé à invoquer Allah en sa faveur en disant Allah, oh Seigneur, fais-moi miséricorde à moi et à Mohammed et à personne d'autre. Et à personne d'autre. Donc regardez, ce bédouin-là avait été touché par la douceur du prophète, alayhi salat wa salam. Et même Allah Jalla wa Ala, subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il, dans son livre, il témoigne Allah Jalla wa Ala de la bonté du prophète, puisque Allah Jalla wa Ala nous dit au sujet du prophète, il le décrit en disant, « Et si tu aurais été rude au cœur dur, les gens ont refui de toi. »« Walau kunta faddan ghalidh al-qalb » Si tu aurais été, traduction relative hein, du sens du verset, si tu aurais été en quelque sorte rude, au cœur dur, alors les gens auraient fui d'autour de toi. Mais le prophète, en somme, était tout à fait l'inverse. Le prophète était personne qui était douce et qui avait l'art de l'enseignement. Cheikh Ibn Uthaymeen, ici dans le commentaire, il nous souligne cela, il dit « وَهَذَا مِنْ حُسْنِ تَعْلِيمِ الرَّسُولِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمِ أَنَّهُ لَمَّا ذَكَرَ الْمَمْنُوعَ ذَكَرَ الْمَشْرُوعَ. Et en deux mots, Cheikh Ibn Uthaymeen nous expliquait en disant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur a mentionné l'interdit, ensuite il leur a évoqué le légiféré. En leur enseignant l'interdit, il a enseigné le permis. Et ça c'est, comme on a dit dans l'assise précédente, ça faisait partie de la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc lorsqu'on apprend à une personne qu'une chose elle est interdite, il faut en échange l'orienter vers ce qu'il peut faire et ce qu'il doit faire. Donc ici, en deux mots, Cheikh Ibn Uthaymeen l'a très très bien illustré lorsqu'il dit « Fadhakar al-mamnu'a ». En arabe, le mamnu'a, c'est ce qui est interdit. « Fadhakar al-mashru'a ». Lamma dhakar al-mamnu'a, lorsqu'il a évoqué ce qui était interdit, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a évoqué ce qui était « mashru'a ». Al-mashru'a, en arabe, c'est ce qui est légiféré. « Fakanu yaqulun ». Pourquoi? Qu'est-ce qu'il disait? Lorsqu'ils ont dit « Assalamu alallah », lorsque ses compagnons avaient passé le salut à Allah en disant « Assalamu », que le salam soit sur Allah. Et bien sûr, eux étaient bien intentionnés, sauf qu'ils n'avaient pas la connaissance. Ils ne savaient pas que cela ne se faisait pas pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Donc regardez l'importance de la connaissance. Et de là, on peut déduire que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, n'a pas retardé, parce que le prophète ne retardait jamais l'enseignement. Et ne retardait jamais la réprobation d'une chose. S'il fallait réprouver une chose, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ne retardait jamais cela. Donc, eux, en guise de ce qu'on appelle tahiyya. At-tahiyya, c'est les salutations. En guise de salutation, ils disaient, assalamu Allah. Donc, en quelque sorte, c'est comme s'il voulait saluer Allah. Et quelle est la raison ici? Ce qui est important, c'est de comprendre la raison. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas saluer Allah, Jalla wa ala, de cette manière? Eh bien, on a pu le comprendre lorsqu'on a expliqué le sens du nom As-Salam, du fait que la tuqal, hadihi tahiyya, As-Salamu ala Allah, la tuqal liman la yumkin an yalhaqa. أن يلحقه نقص لأن السلام إنما يدعى بها لمن يلحقه النقص وأما من هو منزه عن ذلك عز وجل فإنه لا يقال السلام عليه ولهذا أمرهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يقولوا التحيات لله بدل السلام على الله لأن الله عز وجل كامل من كل وجه فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام فلا يحتاج أن يدعى له بالسلام. Donc, quelle est la raison? Comme on l'a appris précédemment, parce que celui qui est exempt de toute forme d'imperfection, celui qui n'est pas assujetti aux imperfections, aux manquements et aux diminutions, il n'a pas besoin qu'on lui passe ses salutations de cette manière en invoquant pour lui As-Salam. Puisqu'on a dit que lorsqu'on dit As-Salam ou Rala, c'est une sorte ici d'invocation. Et donc celui qui n'est pas assujetti, qui est exempt de toute forme d'imperfection, celui qui est exempt de toute forme de manquement, de diminution, ce qu'on appelle un naqs ou un aïb, et de toute forme de défaut, alors lui, il n'a pas besoin de ce genre de salutation. Il n'a pas besoin de cela. Ainsi, Allah est lui-même as-salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a très bien dit et d'une manière très très brève en disant Allah jalla wa ala, c'est lui as-salam. Donc lorsqu'on dit qu'Allah jalla wa ala, il est munazzahun, lorsqu'on utilise ce terme en arabe comme dit Shir ici, amma man huwa munazzahun an dhalik azza wa jal, al-munazzah c'est celui qui est exempt de toute forme d'imperfection. Et ce terme là en arabe indique cela. فَإِنَّهُ لَا يُقَالُ أَسَّلَامُ عَلِيمُ. Et pour cette raison, qu'on vient d'expliquer, parce que c'est important de comprendre la raison ici, pour cette raison-là, on ne peut pas dire أَسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ. وَلِهَذَا أَمَرَهُمُ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَّلَّمُ. Et c'est pour ça qu'ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم, lorsqu'il leur a interdit de dire أَسَّلَامُ عَلَى اللَّهِ, parce que cela ne se fait pas à l'égard de notre Seigneur, ou pour notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors ensuite, le prophète sallam nous a enseigné la manière de saluer notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallam ensuite, de ce fait, il a enseigné la formule qu'on appelle de at-tashahud. Et donc, dans cette formule de at-tashahud, il y a la manière de saluer le prophète sallam puisqu'il y a les salutations. En l'occurrence, le prophète sallam, donc ensuite, a enseigné le fait de dire at-tahiyyat, at-tahiyyatu lillah. Les salutations appartiennent à Allah. Donc je traduis d'une manière relative. Lorsqu'on dit At-tahiyyatu lillah, c'est-à-dire les salutations appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de dire As-salamu ala Allah. Par contre, en échange, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné de dire At-tahiyyatu lillah. At-tahiyyatu lillah. Quel est le sens de At-tahiyyatu lillah? Comme on l'a traduit d'une manière littérale, At-tahiyyat, donc les salutations, appartiennent à Allah. Quel est le sens des salutations? At-tahiyyat, ce sont les formules indiquant, les savants nous disent que At-tahiyyat, c'est les formules qui indiquent le salut, la souveraineté et l'éternité. Et celles-ci n'appartiennent qu'à Allah. Donc retenez bien cela, et vous pouvez retrouver cela dans An-Nihaya. Lorsqu'il expliquait At-Tahiyyat, quel est le sens de At-Tahiyyat? Ce sont les formules indiquant le salut, la souveraineté et l'éternité, et elles appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc quand vous dites At-Tahiyyatu lillah, eh ben ça renferme ces différents sens qu'on vient d'évoquer. Ensuite, le prophète dit Was-salawat, was-salawat, et comme vous avez pu voir, As-salawat, c'est le pluriel de as-salat. As-salawat, donc les prières. As-salawat, c'est les prières. Yani as-salawat ou lillah. Ou at-tayyibat. Yani at-tayyibat ou lillah. Fama hiya as-salawat allati hiya lillah. À présent, Cheikh Ibn Athaymin pose une question. Donc, il pose une question au sujet de As-Salawat. As-Salawat, donc, c'est les prières. Donc, on a dit que la formule de Tashahhud commence en disant At-Tahiyatu Lillah. Donc, ça, on a expliqué le sens, c'est les salutations à Allah ou pour Allah, qui appartiennent à Allah. Ensuite, on dit les prières. Cheikh ici pose une question en disant quelles sont ces prières qui appartiennent à Allah? Est-ce que c'est l'adoration qu'on connaît, c'est-à-dire les prières, hein, dans son terme et selon sa signification connue, c'est cet acte d'adoration qui est le deuxième pilier de l'islam, ou bien ça serait dans le sens de la vocation, de l'invocation. Alors certains savants ont été d'avis que le sens de les prières ici, as-salawat ou lillah, appartiennent à Allah, c'est-à-dire c'est le sens des prières ici, ça serait les invocations. As-salawat prend le sens et les significations des prières ici, c'est les invocations. Ces invocations visant à glorifier Allah, lui seul, en est digne. Et elles ne conviennent à personne d'autre. Pour cela, vous allez trouver dans An-Nihaya, où l'auteur, il va expliquer le terme As-Salawat. Et lui, dans An-Nihaya, il dit que le sens de As-Salawat, c'est les invocations. Les invocations. Quelles sont ces invocations? Ça serait que As-Salawat, c'est des invocations visant à glorifier Allah. C'est ça le sens. Lui seul en est digne, Allah subhanahu wa ta'ala, de ces invocations-là, et elles ne conviennent à personne d'autre que lui subhanahu wa ta'ala. Donc on voit que des savants sont d'avis que as-salawat, le sens ici, ça serait les invocations, dans le sens que les invocations ici appartiennent à Allah. Wa ala hada al-qawl yakun mahmoulan ala as-salati lughatan wa as-salati shar'an. Yakun mahmoulan ala الصلاة لغة والصلاة شرعا ولا مانع من أن يقال إنه يعم الصلوات التي هي الدعاء والصلوات التي هي العبادة المعروفة لأن ذلك أهم لأن ذلك أهم. Donc dans ce cas-là, si la salawat, ça serait dans le sens des invocations, c'est-à-dire que ce qui est sous-entendu, c'est son sens linguistique. Pourquoi? Parce que le sens linguistique de la prière, on avait dit, linguistiquement parlant, la prière, ça veut dire invocation. C'est dans Filora, Ad-Dua, c'est l'invocation. Par contre, Cheikh dit, deuxième sens, ça serait aussi, ça prendrait le sens des prières d'une manière générale. Aussi bien le terme salawat, les prières sont et appartiennent à Allah, ça serait dans le sens des invocations, Naram, mais aussi les prières, cette pratique connue, hein, cette prière, cette manière de prier est sous-entendue ici dans le sens de cela. C'est-à-dire, dans le sens propre, les prières. Les prières. Et il dit, le sens est général et global. Et général et global. Et il dit, la manière min an yuqal. C'est pour ça qu'il dit, il n'y a pas de mal de dire, il n'y a pas d'obstacle à dire cela, d'entrave à cela, de dire que le sens des prières ici, lorsqu'on dit at-tahiyyatu lillah wa salawat, as-salawat ici, c'est les prières d'une manière générale. Aussi bien ça englobe les invocations, aussi bien ça englobe la prière, les prières qu'on connaît, cette pratique, cette adoration. Donc ces prières qui sont aussi bien des invocations et des prières qui sont cette adoration qui est célèbre. Lianna dhalika aham. Ça, c'est en ce qui concerne le terme as-salawat. Ensuite, le troisième terme que le prophète s'en enseigne dans ce tashahhud, c'est at-tayyibat. At-tayyibat. يعني الأوصاف الطيبات لله والأعمال الطيبات لله سبحانه وتعالى. فإذا الطيبات هنا وصف لأوصاف الله جل وعلا ووصف للأعمال التي تفعل لله فهي وصف لأوصاف الله يعني له كل صفة طيبة ووصف للأعمال التي تفعل له يعني لا يقبل الله إلا الطيب. ولهذا عليك أن تستحضر هذا عندما تقرأ في الصلاة فإذا قلت الطيبات تستحضر أن الله جل وعلا ذو الأوصاف الطيبات وأن الله لا يقبل من الأعمال إلا الطيبات وهذه المعاني ربما تغيب وربما تحضر لكن ينبغي أن تحضر ولا تغيب ولما بدأ بحق الله ووصف الله بما يستحق ثنى بحق الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهنا قال السلام عليك أيها النبي لماذا؟ لأنه صلى الله عليه وسلم محتاج إلى أن يسلم الله، محتاج أن يسلمه الله، ولهذا كان دعاء الأنبياء على الصراط يوم القيامة، على الصراط يوم القيامة اللهم سلم، اللهم سلم. فالأنبياء محتاجون، فالأنبياء محتاجون إلى أن يسلمهم الله، إلى أن يسلمهم الله عز وجل. Ensuite, Cheikh Ibn Al-Thaymin nous explique le terme At-Tayyibat. Et ça est très important de comprendre le sens. Donc, At-Tayyibat, en français, pour bien comprendre, ce sont des mots purs. Ce sont des mots purs et beaux qui ne conviennent, ou plutôt qui conviennent pour louer Allah, en dehors de ce qui ne convient pas à ses attributs, par lequel on salue les rois, par exemple. Donc, At-Tayyibat, ce sont les mots purs et beaux qui conviennent pour louer Allah, tout simplement. Donc, At-Tayyibat, qu'on traduit par, ici, ce sont At-Tayyibat, les bonnes choses, les bonnes choses, les choses agréables. Pour cela, le prophète a commencé les salutations reviennent à Allah, ainsi que les prières. Donc, on a expliqué le terme salutation, prière, et les choses agréables. Les choses agréables. C'est-à-dire, ce sont les mots purs et beaux qui conviennent pour qu'on puisse louer Allah subhanahu wa ta'ala. Et Cheikh Ibn Al-Thaymin, d'une manière plus précise, il va nous expliquer que At-Tayyibat, ça englobe deux choses. Et il faut bien retenir cela, très important. Il va dire, ça englobe deux choses. Aussi bien, il va dire, Al-Awsaf At-Tayyibat lillah. Les bonnes descriptions concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Les bonnes descriptions concernant Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Awsaf At-Tayyibat lillah subhanahu wa ta'ala. Et Wal-A'mal At-Tayyibat lillah. Et la deuxième chose, ça englobe aussi les bonnes choses qu'on fait pour Allah et qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Pour cela, regardez, en conclusion de l'explication de ces deux sens-là, regardez cette précision que nous fait Cheikh Ibn Al-Thaymin, il dit At-Tayyibat huna wasfun li awsafillah. At-Tayyibat wasfun li awsafillah wa wasfu lil a'mal allati tuf'alillah. Donc ici, il dit aussi bien lorsqu'on dit les bonnes choses, les choses agréables, ça sous-entend les descriptions qui n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, il dit « wa wasfun lil a'mal ». « Wa wasf lil a'mal » et aussi, c'est une description, c'est-à-dire ces choses agréables, ces bonnes choses, ça décrit ici les actions, ça sous-entend les actions qui sont faites pour Allah. C'est pour ça qu'il dit « allati tuf'alu lillah wasfun lil a'mali allati tuf'alu lillahi jalla wa ala ». Donc vous avez vu, et c'est pour ça qu'on traduit At-Tayyibat, les bonnes choses. On traduit At-Tayyibat, les bonnes choses. Donc regardez pour simplifier. En bref, Cheikh nous dit فَهِيَا وَصْمْ لِأَوْصَافِ اللَّهِ جَلَّ وَعَلَى لَهُ كُلُّ صِفَةٍ طَيِّبًا. Donc il dit premièrement, c'est une description. Parmi les descriptions de notre Seigneur subhanahu wa ta'ala, c'est parti, description du fait que لَهُ كُلُّ صِفَةٍ طَيِّبًا. Ça décrit ses attributs, Allah subhanahu wa ta'ala. Ça fait partie des attributs d'Allah. C'est-à-dire que Allah, jalla wa ala, tous ses attributs sont bons, sont kul sifatillahi jalla wa ala tayyiba, sont purs et beaux. Tous ses attributs d'Allah, jalla wa ala, sont parfaits et sont beaux, subhanahu wa ta'ala. Et ça, ça a le sens lorsqu'on dit at-tayyibat, at-tayyibat lillah. C'est-à-dire que ces belles choses n'appartiennent qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, dans le sens premièrement kul sifatillah tayyiba, il dit. Et deuxièmement pour finir, donc aussi at-tayyibat lillah, les bonnes choses, les choses agréables n'appartiennent qu'à Allah, ça revient au sens ici, c'est-à-dire les bonnes actions, les bonnes œuvres ici accomplites pour Allah, allati tuf'alu lahu yani la yaqbalu Allah illa at-tayyib. C'est-à-dire que Allah n'accepte que ce qui est bon. Comme c'est dit dans Zahadith, Allah est bon et il n'accepte que ce qui est bon. Et vous avez vu cette subtilité, cette précision que nous fait Cheikh Ibn Al-Thaymin. Donc ça, le terme At-Tayyibat, les bonnes choses, englobe et renferme ces deux sens précités avec cette précision de Cheikh Ibn Al-Thaymin. Walihada, et Cheikh Ibn Uthaymeen, c'est pour ça qu'ensuite, il termine l'explication de At-Tayyibat en disant pour cela, regardez, il va nous refaire un rappel. Alayka an tastahdira hada indama taqra fi as-salah. Pour cela, il dit que tu dois donc te remémorer cela lorsque tu lis dans ta prière. Lorsqu'on est dans la prière, c'est pour ça, Cheikh, il nous fait un rappel que lorsqu'on est dans la prière, l'importance d'avoir appris ces sens-là, c'est qu'à présent, lorsque vous allez faire le tashahhud, vous êtes assis. Et donc, vous avez vu la sunna qui nous a enseigné, hein, la manière de faire, c'est qu'on est assis à la deuxième unité de prière, donc la première assise. Une fois qu'on est assis, avec cette manière qui nous a été enseignée de s'asseoir, et donc ensuite, on lève donc le doigt. On lève le doigt et à ce moment-là, on fait at-tashahhud. On fait at-tashahhud. Là, se remémorer l'essence. Donc lorsque je dis at-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibat. Vous avez vu, donc là, on a expliqué les trois premiers termes. Pourquoi on a expliqué les trois premiers termes? Parce que ça, c'est les termes qui reviennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Cette première partie du tashahhud, vous allez voir, la première partie du tashahhud, elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, ce qu'on va dire, ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, la troisième partie, ça reviendra au serviteur pieux. Au serviteur pieux. Donc là, la première partie du tashahhud, on va voir, c'est pour ça que on peut la diviser, ce tashahhud, on peut le diviser plutôt en trois. La première partie, elle est liée et elle revient à Allah subhanahu wa ta'ala, tandis que la deuxième partie, on va voir, c'est lié au prophète, ça revient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il va avoir cette partie dédiée au serviteur pieux, au serviteur d'Allah, pieux et vertueux. Et ensuite, à la fin, avec l'attestation deux fois. Donc regardez, ces trois termes reviennent à Allah. Et on commence le tashahhud de cette manière. At-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibat. Et donc, celui qui fait la prière, il lève son doigt, et là, il commence à faire at-tashahhud, il doit se remémorer ses sens. C'est important. Alors, Cheikh, il dit, et des fois, malheureusement, donc, beaucoup, lorsqu'il prie, malheureusement, il dit, وَرُبَّمَا تَرِيبُ وَهَدِ الْمَعَانِي رُبَّمَا تَرِيبُ. Il dit, beaucoup de gens, lorsqu'ils formulent, justement, font la formulation, eh ben, il y a une absence de concentration, donc une absence de connaissance d'essence. La personne ne se remémore pas l'essence. Et tandis que celui qui se remémore l'essence, lui, alors, il se concentre et il a la compréhension et il connaît les significations de ce qu'il dit. Donc, il comprend ce qu'il dit. Et Cheikh conclut ce rappel en nous rappelant l'importance de se remémorer l'essence en disant donc, parfois, c'est vrai que donc les sens reviennent et parfois les sens ne reviennent pas. Mais il dit voilà qu'il y a un bari un tahdora wala tarib. Mais ce qu'il convient, c'est que les sens nous reviennent. C'est pour ça qu'il faut se remémorer les sens et l'importance donc de les apprendre. Ensuite, Cheikh il dit voilà ma bada bi haqqillahi wasafa Allah bima yastahiqu thanna bi haqqi ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam. Fa qala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Huna qala assalamu alayka ayyuhan nabiy wa limadha. Alors ensuite, on voit que la deuxième partie, elle est pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc dans le tashahhud, on commence d'abord par le droit d'Allah. D'abord les salutations, les prières et les bonnes choses, les choses agréables pour Allah. Donc ça c'est le droit d'Allah. Ensuite, on va commencer à saluer le prophète. Donc c'est pour ça qu'ensuite on dit assalamu alayka ayyuhan nabiy. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. On apprendra dans une autre formule dans le hadith de Abdallah ibn Mas'ud, l'autre formule où qu'on peut dire assalamu alayka ou plutôt assalamu ayyuhan nabiy. Assalamu ayyuhan nabiy. Et dire directement assalam Assalamu ala nabi. Assalamu ala nabi. Donc on a cette formule. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Et on aura le hadith, comme on verra, de Abdallah ibn Mas'ud. Que Abdallah ibn Mas'ud disait que le prophète sallam lui avait enseigné que. Il disait que le prophète lui avait enseigné de dire Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Mais il dit après la mort du prophète sallam, nous disions Assalamu ala nabi. Ala nabi. Donc, ils enlevaient le « alayka ». Donc, dans la formule de Abdallah ibn Mas'ud, du compagnon, on va voir qu'on peut le saluer de cette manière. « Assalamu ala nabi ». Donc, on dit « At-tahiyyatu lillah, was-salawatu, wat-tayyibat, assalamu ala nabi ». Comme on peut dire « Assalamu alayka, ayyuhan nabi ». Et ça, dans la prochaine allocution, Inch'Allah, on parlera de cela. Cheikh Ibn Uthaymeen va nous expliquer cela. Qu'est-il préférable? de cette manière ou de cette manière, on expliquera, Inch'Allah, dans la prochaine assise. Là, dans tous les cas, dans la deuxième partie, vous avez vu, là maintenant, c'est le droit du prophète. On salue le prophète. Et pour le prophète, donc, on peut dire Assalamu. Donc, on dit Assalamu alayka ya Nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Et donc là, pourquoi? Parce que Shir nous dit, Muhtaj, lui le prophète, il a besoin qu'Allah Jalla wa Ala, eh ben, le préserve et le mette à l'abri. C'est pour ça que vous avez vu que les prophètes, le jour de la rétribution, diront Allahumma sallim, Allahumma sallim. Vous avez vu Allahumma sallim. Vous entendez ici le terme salam, là c'est le verbe sallim, sallim. فَالْأَنْبِيَا مُحْتَاجُونَ إِلَى أَنْ يُسَلِّمَهُمُ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى. Donc même les prophètes ont besoin qu'Allah يُسَلِّمَهُمْ, qu'Allah les préserve et les mette à l'abri de toute forme de maux, de toute forme de mal. Donc ils ont besoin de cette préservation d'Allah جَلَّ وَعَلَى. Pour cela, on passe le salam et les salutations aux prophètes de cette manière. السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا النَّبِيُّ. Et là, on va invoquer trois choses pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Aussi bien la miséricorde d'Allah, et aussi bien la bénédiction. Donc on a trois choses. On a le salut pour le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a les miséricordes d'Allah et on a la bénédiction. Donc vous avez vu trois choses ici pour le prophète, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Et donc on continuera, inshallah, l'explication du tashahhud avec certaines questions liées à la jurisprudence du tashahhud dans la prochaine allocution, inshallah, si Allah nous le permet. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, استغفرك وأتوب إليك.